Cours numéro 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala Sheikh Abd al-Salam rahimahullahu ta'ala al-faslu al-thalith fi inkar al-munkar ala al-a'imma kayfa yakun. Le dars précédent, on a fini les huquq du hakim ala ra'iyatihi. Le fait de le conseiller, de patienter, de lui obéir, fi ta'atillah. Et fi hada al-fasl, le troisième, il a montré, rahimahullah, un point important. Inkar al-munkar, c'est une obligation, ben c'est un fondement de notre din. Kayfa yakun ala al-a'imma. Inkar al-munkar, c'est réprimander le blâmable. Enfin, comment faire quand ce blâmable il vient d'un imam? C'est lié au point précédent sur le conseil. قال رحمه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين. C'est un fondement parmi les fondements de notre din. Et on a traité, ولله الحمد, ce fondement dans une kalima il y a quelque temps, et on avait résumé des points importants en se basant sur le Coran, la Sunna et la parole des imams de la communauté, ولله الحمد. قال القيام به فرض على الأمة إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين c'est من فروض الكفاية أي الفرض كذلك on dit الواجب c'est على نوعين il y a deux catégories des obligations qui concernent tout le monde مثلا الصلاة ça c'est من فروض الأعيان فرض عين tout le monde doit faire la صلاة obligatoire et هناك Fara'id, c'est pas obligatoire pour tout le monde. Si une partie de la communauté, elle fait cette obligation, alhamdulillah, les autres, ils n'ont pas de ism, ils n'ont pas de tort, ils n'ont pas de péché. Min hadhihi al-furud al-amru bil-ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar. Qala idha qama bihi man yakfi saqata al-ithm 'anil baqin fa in tarakuhu kulluhum athimu. Mais si délaisse personne de la communauté ne met en garde, ne réprimande ce mal, enfin, toute la communauté, elle commet un péché. Si une partie, elle s'en occupe, alhamdulillah. قال الله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et bien, هذه الآية, ça, c'est un délil, أن من أسباب الفلاح, parmi les causes pour que la umma réussisse, c'est le qiyam bihada al-wajib al-azim. Waltakum minkum umma yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar. Appeler au bien et interdire le mal, mettre en garde contre le shar. Wa qala ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani Israila 'ala lisan Daoud wa 'Isa ibn Maryam. Dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ça nous montre anna min sifat al-kafirin. C'est le fait de délaisser l'amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. فلهذا قال ثم فسر تعالى هذا الاعتداء الذي بسببه لعنوا كذلك c'est une cause d'être touché par la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Pourquoi Allah les a maudits? كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Ils faisaient un munkar et personne ne réprimander son frère. Kul wahid yaskut. Du pur égoïsme. Ça, c'est min sifat al-kafirin. Amma al-mu'min, il n'est pas seul. Al-mu'min, il a des frères, il vit en communauté. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Hakadha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sayati ma'ana al-hadith. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. Notre din, il est fondé sur an-nasiha. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا المؤمن pour son frère mu'min c'est comme une construction فانت tu as besoin de ton frère il a besoin de toi لا بد من تعاون ومن اعظم التعاون c'est النصح si tu as des manquements ton frère il te conseille si tu fais des péchés enfin ton frère ينهاك عن هذا المنكر هكذا une umma qui avance. قال وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc, dans ce hadith, النبي صلى الله عليه وسلم il a cité هذه المراتب العظيمة. Celui qui peut enlever avec sa main, il doit enlever avec sa main. Bien sûr, العلماء ذكروا des conditions avec d'autres preuves tant que ça implique pas un mal plus grand. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a cité ces مراتب لأن أحيانا الإنسان il peut pas enlever le منكر avec sa main. إما il est incapable. إما il peut, لكن s'il enlève avec sa main, ça peut avoir comme conséquence un mal plus grand. فلهذا الحال الإنسان il passe à la deuxième مرتبة au deuxième niveau. فإن لم يستطع فبلسانه. S'il peut pas avec ses mains, avec sa langue. Si on قدر qu'il peut pas avec sa langue, il لم يستطع فبقلبه, avec son cœur. Il déteste cette chose. قال ولما كان الإمام بشرا غير معصوم فإن وقوعه في شيء من المنكرات يوجب الإنكار عليه. Vu que l'imam, الولي, الحاكم, ça reste un être humain et ce gouverneur il n'est pas infaillible, donc comme tous les autres musulmans il aura forcément des manquements, des faiblesses. قال يوجب الإنكار عليه. Donc il va détailler une différence, لكن on suit son كلام. يوجب الإنكار عليه. On doit montrer que c'est un mal. قال لكن الشارع الحكيم جعل الإنكار عليه بطريقة لا تفضي إلى مفسدة أكبر من مفسدة الوقوع في المنكر. Donc vu que ce hakim il a une manzila azima. C'est un président, c'est un roi, c'est un ministre. Il a une énorme responsabilité. Il fait partie des autorités. Vu que si on réprimande en public, ça peut impliquer un mal plus grand pour هذا المؤمن. ففي هذا الحال في السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم on a des preuves qui montrent la façon de faire. قال فجاء الشرع بأن الإنكار عليه لا يكون إلا بالضوابط التالية. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré la place du أمير dans la communauté. On l'a vu au début du cours. تذكرون الفضائل. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré la façon de conseiller هذا الأمير. فمن الغلط ومن الجهل c'est de ne pas faire de différence entre الأمير le gouverneur un roi, un président ou autre, avec un musulman qui n'a pas de responsabilité. Ça, c'est min al-jahl. Même si ce gouverneur, c'est un zalim, tant que c'est un musulman, il a des huquq qu'on a vu dans les chapitres précédents. Et tant que c'est un musulman, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la façon de faire pour le conseiller. Et là, chacun a les péchés, les manquements, ça ne fait pas sortir de l'islam. Al-ulama, ils nous ont montré ce qui fait sortir de l'islam. Que ce soit un gouverneur ou autre. Certaines choses, ça fait sortir de l'islam. فَبِيَادِهِ الظَّوَابِتْ Les points précédents, avec les points qui sont cités dans le hadith, فَبِيَادِهِ اللَّهِ On arrivera à comprendre. هَذِهِ الْمَسْأَلَ الْمُهِمَّةِ قَالَ أَوَّلًا لَا يُنْكَرْ عَلَيْهِ بِالسِّلَاحِ On n'a pas le droit de faire هذا الإنكار. Donc, إنكار, c'est réprimander. بالسلاح, avec les armes. تكلم العلامة ابن النحاس رحمه الله عن إنكار المنكر بكلام متين قويم في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين وكان مما تكلم عنه إذا وقع المنكر من السلطة. فدان سوليف Ibn al-Nahas, rahmatullah alayh, il a montré comment se comporter si al-Sultan, le gouverneur, c'est lui qui fait ce munkar. Qu'est-ce qu'on doit faire ? قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعَهُ بِالْقَهْرِ بِالْيَدِ وَلَا أَنْ يُشْهَرْ عَلَيْهِ سِلَاحًا أَوْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ أَعْوَانًا On n'a pas le droit de réprimander avec la main. Encore moins en prenant les armes. Et كذلك, on n'a pas le droit de هكذا de pousser al-juhal avec des manifestations, des rassemblements, des grèves. Tout ça, les yéjouz. قَالَ لِأَنَّ ذَلِكْ تَحْرِيكًا لِلْفِتَنِ. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une porte ouverte à la fitna. Ça peut être la cause pour que le sang y coule. وَلَا شَكْ. قَالَ وَإِذْهَابًا لِهَيْبَةِ السُّلْطَانِ مِنْ قُلُوبِ الرَّعِيَّةِ. Et ça, c'est une mafsada azima, comme on a vu. Ça peut causer toutes ces manifestations, que ce gouverneur il soit réprimandé en public, dans les réseaux sociaux. Comme on vit à cette époque. Pardon, ils propagent certaines photos. Et on vit à une époque, ils accusent avec des mensonges, ils rajoutent, ils déforment. Donc moi, tu trouves, le peuple, ils n'ont plus « haybat al-sultan ». Ils n'ont plus ce respect des autorités du gouverneur. Et tout ça, bien sûr, ça ouvre des portes à la fitna. « Qala wa rubbama adda dhalik ila tajarrihim ala al-khuruj alayh ». C'est ça, « al-thumara al-khatira » de « hada al-tahyij ». Le fait de monter la tête aux gens nuit et jour contre le gouverneur, un jour ou l'autre, ça finira par le khuruj, par des révolutions. Comme ce qui s'est passé il y a quelques années. Ce qui s'est passé durant le printemps arabe, à partir de 2010-2011, c'est le fruit de la da'wah des ikhwan pendant à peu près plus de la moitié d'un siècle. La da'wah des ikhwan, elle s'est propagée à partir de 1930-40, beaucoup dans les années 50-60, il a arrêté. Enfin, pendant des années, une génération entière, elle a été éduquée à Indaha Oula. Et les gens, petit à petit, n'ont plus eu ce respect des autorités. Hatta en 2010, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Des années de révolution. Et comme une fitaine, combien de morts? Des injustices énormes. Fal-nahdhar al-khuruj, la révolution, elle a des bases. Et les bases de la révolution, c'est al-kalam al-hakim. Ça nous montre un al-khuruj, avant qu'il soit fait avec les armes, il est fait avec la langue. Falihada al-sunni, il préserve sa langue. Il préserve sa langue, même si ce gouverneur il est injuste. Même s'il fait des fautes, même s'il fait des péchés, préserve ta langue. Cheikh Abdel Salam, rahmatullah alayh, il a cité des moyens, des solutions pour arranger, en se basant sur Al-Kitab ou Sunnah. Enfin, ne dépasse pas ses limites. Dépasser ses limites, c'est bab al-inhiraf. C'est des portes ouvertes à l'égarement. Qala rahimahullah, wa takhrib al-bilad, wa ghayr dhalik mimma la yakhfa. Naam, les révolutions, thumma takhrib al-bilad. Et détruire nos propres pays. Comme il s'est passé dans certains bilads, wallahu musta'an. قال وهذا الكلام موافق انتهى كلام ابن النحاس قال شيخ عبد السلام وهذا الكلام موافق تماما لمقاصد الشريعه او للمقاصد الشرعيه وهذا الكلام موافق تماما للمقاصد الشرعيه التي رعاها الشارع في احكامه كما ان النصوص السلفيه نطقت به واكدت وجاء عمل السلف عليه. Notre dîn, il est fondé sur des qawa'id, des règles très très importantes. Parmi ces règles, une chose où il n'y a pas de maslaha, ou une chose, le maslaha c'est des profits, des avantages pour la umma, ou une chose qui pousse à des mafasid, à des révolutions, à des guerres, en vouloir enlever un munkar, thumma, cette façon de faire, ça nous emmène à mon corps plus grand. Matalan, il y avait des injustices dans le bilad. On ne fait pas attention à ces masalih, à ces mafasid, comme certains y font. Thumma, on est la cause. Rubama, la situation devient encore plus critique. Est-ce que hada billah alaykum semin al-hikma, ça fait partie de la sagesse? Les erreurs, les injustices, le munkar du gouverneur ou autre, le mu'min ne doit pas les accepter. Lakin, est-ce que ça veut dire que si on ne les accepte pas, on ne les accepte pas, est-ce que ça veut dire qu'on doit se rebeller? Là, accepte pas avec ton cœur, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas agir. Enfin, accepte pas avec ton cœur, et alhamdoulilah. Personne ne te demande plus que ça. Et laisse ce genre d'affaires à ceux qui les maîtrisent, al-ulama. Amma, nahnu, on n'est pas des savants, loin de là. Enfin, on doit continuer à faire des efforts, enseigner ce genre de aqidah Et petit à petit, éduquer une génération à hada al-madhhab al-tayyib, madhhab al-salaf al-salih, et vous verrez qu'il y aura énormément de bien. Amma al-ba'd, ils sautent les étapes. Eux-mêmes, ils font du munkar. Balbardom, wallah, ils font plus de munkar que le gouverneur. Et nuit et jour, ils critiquent le gouverneur. Nuit et jour, ils critiquent le gouverneur. Balbardom, c'est devenu leur passe-temps. Ils font que ça avec ces réseaux sociaux. Qala rahimahullah. Il a cité certains exemples. من ذلك قول أبي البختري أنه قيل له أو قيل لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ Ils ont dit à حذيفة, pourquoi tu n'appelles pas au معروف et tu ne mets pas en garde contre le منكر؟ قال رضي الله عنه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحسن. Bien sûr, c'est un fondement de notre dîn. Et c'est quelque chose de très bien. لكن ليس من السنة أن ترفع السلع على إمامك. هكذا الصحابة رضي الله عنه, ils ont compris cette مسألة. لأن الخوارج, et ceux qui ont ces choubas contre les gouverneurs, ils vont pas admettre que c'est des khawarij, que c'est une innovation, qui contredisent la voie des salafs. Là, ils vont dire même que leur combat, c'est un jihad, fi sabilillah, c'est pour enlever le munkar, c'est pour propager la vérité. Hudhayfa رضي الله عنه, il a répondu. Il a dit, non, propager la vérité, c'est bien. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'an al-munkar, c'est très très important. Lakin, laysa min as-sunnah, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de prendre les armes contre le gouverneur musulman, même s'il est injuste. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a jamais autorisé de prendre les armes. Ben, il nous a ordonné de patienter. Isbir wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, tous ces hadiths qu'on a vus précédemment. قال أخرجه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان ومنه قول الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما خرج خارجي البصرة وبالبصرة المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه أخرجه الآجر في الشريعة فخارجي لسقتي من البصرة خارجي أي سكي وهذا الفكر كنت لغوفرنور الخوارج فالحسن البصري رحمه الله الذي المسكين رأى منكرا إلى في منكر Et il a voulu l'enlever avec un munkar plus grave. لماذا لأن مثلا نقدر كتل gouverneur il a fait un munkar. ثم واحد qui n'a pas compris le sunna ou qui ne veut pas suivre le sunna, il veut enlever ce munkar. Le fait de vouloir enlever ce munkar alors qu'il ne suit pas la voie des salafs, sa façon de faire c'est un munkar. Ben c'est un munkar encore plus grand que ce que l'amir fait. لماذا لأن ça peut être une cause de division, effusion de sang. Révolution, rébellion, etc. Enfin, ça nous montre que la question n'est pas avec les patients. Les khawarij font partie de l'Ahl al-Ahwa. C'est les ikhwan, les musulmans à notre époque qui appellent aux rébellions, qui ne respectent pas les gouverneurs musulmans. Ils font partie de l'Ahl al-Ahwa. Pourquoi ? Parce qu'ils ne reviennent pas aux textes. Les textes ils sont clairs. On a rapporté dans cette risale la parole de Cheikh Abdus Salam, il a cité l'Ijma' de l'imam al-Nawawi, de l'imam ibn Taymiyyah, de beaucoup d'imams. Ils ont rapporté l'unanimité sur ce fondement, l'obéissance au gouverneur. Enfin, celui qui veut les textes ils sont clairs. Des hadiths du prophète, des versets du Coran, des paroles de compagnons, radiyallahu anhum. Amma al-hawa, celui qui suit ses sentiments et il veut régler les choses avec sa raison et ses passions, là, il se fera du mal. Enfin, c'est une mas'ala de din. Le sujet des gouverneurs, c'est lié avec din. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الله لا استدعى القرآن donc ça fait partie de notre dîn donc celui qui parle dans ce sujet il doit parler avec des adillah amma tout ce qu'on voit l'un dans les réseaux sociaux mais tel gouverneur ils ont dit sur lui mais il paraît tout ça c'est min al-hawa tout ça c'est min tarbiyat al-ikhwan fahdharu on doit s'occuper avec l'ilm alhamdulillah dans bilad al-muslimin il y a énormément de khayr Avec les manquements, avec certaines injustices, avec certains péchés, alhamdulillah, il y a énormément de khayr. Apprends ton dîn. Dans la plupart des cas, personne ne te reprochera rien du tout. Fais salat, éduque tes enfants à la sunna. Et tu verras que tu seras à la khayr. On vit à une époque, en al-ba'd, ils vivent chez les ennemis d'Allah, min al-yahoud wa al-nasara. Les ennemis d'Allah, al-kafara, ils ne font pas de péché, leurs gouverneurs, ils ne sont pas injustes. Tu les trouves, ils vivent indahum. Alors que Haoula critique le prophète alayhi salatu salam au nom de la liberté, etc. Bah, ils vivent عند Haoula et tu les trouves, ils critiquent Bilad al-Muslimin. Agrabu min hada. Et en fait, c'est pas garib. لأن الناس هكذا شأن أهل الأهواء يسون على هذا الطريق أنهم يفيف في بلاد الكفر يكريتك لو ميور غوفرنمون parmi les gouvernements musulmans. المملكة العربية السعودية كي جوج avec les lois d'Allah سبحانه وتعالى ils sont pas infaillibles. Personne ne dit qu'ils sont infaillibles. Personne ne dit qu'ils n'ont pas de manquement. Personne ne dit qu'ils commettent pas de péché. Abadan. Lakin, alhamdulillah, ils sont à la khair azim. Et on doit s'entraider avec eux. Walou bid-du'a, comme a dit le Cheikh Mouqbila, rahmatullah, ou ghayru, min ahl al-ilm. Et tu les trouves, ils sont inda al-yahoud ou al-nasara, inda a'da illa. Et tu les trouves, ils critiquent hukam wa ulama al-muslimin. On fait attention, ya ikhwan. Al-ahwa, les passions, c'est très très grave. Surtout à notre époque, surtout avec ces réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, c'est devenu un endroit, yadam billah, où beaucoup de choubhas sont propagées contre les gouverneurs. Celui qui n'a pas compris ce genre de principes, ce genre de livre de base qu'on lit ensemble, walillahi alhamd, thumma il s'expose à ces ambiguïtés, fala yalumanna illa nafsa. Yannahu, il n'est pas prêt. Même celui qui a compris, qui a étudié, il doit s'écarter. Même Balouk l'ignorant. Pardon, mais ils écoutent, ils lisent, ils veulent répondre. Ils veulent répondre. Thumma, ils ont plein d'ambiguïté. Ça préserve ton dîn et apprends ta aqida. C'est un fa'alak. Qala, rahimahullah. Thaniyan, deuxièmement. Donc le premier point. La yunkar alayhi bisilah. On n'a pas le droit de réprimander, de enlever ce munkar avec la force, avec les armes. Deuxièmement, on doit le conseiller. Ça montre quoi ? An-nas-salaf, an-nahl-sunna, an-nas-salafiyyin, ils n'acceptent pas le munkar, même si c'est des gouverneurs. Tu ne trouveras pas un salafi qui est à l'al-jadda, il accepte l'injustice ou le péché d'un tel gouverneur ou pas. Là. La preuve, c'est que s'ils peuvent conseiller, ils conseillent. Lakin, bihada shart sirran. Sirran, c'est le contraire de Alaniya. Alaniya, c'est en public. Sirran, c'est en secret. Yaqul al-Alam ibn al-Nahas, rahimahullahu ta'ala, toujours dans le même livre, Tanbih al-Ghafilin, wa yakhtar al-kalam ma'a al-sultan fi al-khulwa, ala al-kalam ma'ahu ala ru'us al-ashhad. Bal yuwaddu law kallamahu sirran wa nasahahu min ghayri thalith lahuma. C'est ça, al-sunnah. Ça y a été معنى al-hadith. Anna, le gouverneur, la façon légiférée pour le conseiller, c'est sirr. فلهذا قال هنا ونصحه من غير الثالث لهما. Il le conseille, lui et le gouverneur. S'il peut qu'il n'y a pas de troisième homme, qu'il le fasse. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن ينصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. Celui qui a connaissance de certains péchés, certaines erreurs du gouverneur musulman, il doit le conseiller. Et Allah subhanahu wa ta'ala قال فاتقوا مستطعتم. On doit le conseiller pour celui, bien sûr, qui en a la capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Celui qui n'a pas la capacité, هذا, il ne peut pas conseiller. قال ولا يظهر الشناعة. Tu n'as pas le droit de montrer الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. Et tu n'as pas le droit de le réprimander, de le conseiller devant tout le monde. قال رحمه الله انتهى كلام الشوكاني وهذا الذي قرره أو قرره أي ابن النحاس الشوكاني سيدو الزمام عليهما رحمة الله هو ما دلت عليه الأحاديث النبوية والآثار السلفية. Donc ces deux imams, ce qu'ils ont montré, il y a des preuves في القرآن في السنة plutôt et dans كذلك الآثار السلفية. قال ومن ذلك حديث عياض ابن غنم وهشام ابن حكيم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينصح لذي سلطان وهنا قال نعم من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدله علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به. Donc celui, النبي صلى الله عليه وسلم قال, celui qui veut conseiller le gouverneur, qu'il ne le conseille pas en public. Qu'il prenne par sa main. Qu'il le prenne par sa main et qu'il s'isole avec lui. S'il accepte, alhamdulillah. قال وإلا كان قد أدى الذي عليه. S'il n'accepte pas, فالحمد لله, ce musulman, il a fait son obligation. وإلا كان قد أدى الذي عليه. لا. أخرجه الإمام أحمد في المسند. الحديث أخرجه كذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة. الإمام الألباني لا صحح عليهم رحمة الله جميعا. Vous avez remarqué que النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré la façon de faire. Tu conseilles si tu peux, pas en public, entre toi et lui. Bien sûr, cela, ça va être réservé pour certains proches de ce gouverneur, certains savants. Ah, là, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Enfin, celui qui a la capacité qu'il le fasse, si le gouverneur il accepte, c'est une ni'ma azima. S'il n'accepte pas, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit de manifester, de sortir dans la rue, de se rebeller? Abadan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, s'il n'accepte pas, anta tu as fait ce que tu avais à faire. Et chacun rendra des comptes yawm al-qiyam. Maintenant, on préserve l'unité de jama'a. On fait attention à l'fitna. Qala, rahimahullah, qala l'allama al-sindi, rahimahullah, fi hachiyati ala musnad al-imam Ahmed, qawluhu, man arada an yansah li sultan, ay nasihat al-sultan, yanbaghi an takun fi sir, la bayna al-khalq. Donc c'est ça, al-sunna. Anna le conseil du gouverneur, fi sir, ay en secret. Pas au regard de tous. قال انتهى ومن ذلك أيضا أن سعيد بن جهمان جاء إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقال سعيد إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. Donc سعيد بن جهمان il est venu auprès de عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل رضي الله عنه. Et سعيد il a dit à ce compagnon, donc السلطان يظلم الناس ويفعل بهم, le gouverneur il est injuste, il fait telle et telle chose. فأخذ عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه بيده فغمز غمزة شديدة. Donc عبد الله بن أبي أوفى il a pris par la main سعيد بن جهمان et il l'a pincé très très fort. ثم قال رضي الله عنه ويحك يا ابن جهمان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم. Il a dit fais attention, reste avec le jama'a. Ce compagnon رضي الله عنه il a très vite compris que ce genre de parole ça peut être la cause de la division. Les gens ils commencent à dire cela, ils ne respectent plus le gouverneur, ils se révoltent. Si le gouverneur il t'écoute et tu as la possibilité de le rencontrer, va le voir. Ça nous montre quoi? Ça nous montre un sunni, il n'accepte pas mon corps. Personne ne dira là, si tu as la capacité, même si tu as la capacité, ne le conseille pas. Là, c'est un mon corps, si tu peux, montre-lui. Lakin, elle est où la faïda de parler en public? Le gouverneur, il ne t'écoute pas. Comme ils font un al-farar dans les réseaux sociaux. Les gouverneurs, ils sont dans leur demeure. Ils n'écoutent même pas Haoula, ils n'ont même pas connaissance d'eux. Et tu les trouves nuit et jour. Entre eux, ils accusent, ils inventent, ils déforment, ils rajoutent. Aïn al-faïda? Aïn al-faïda? Personne ne les écoute aslan. Fali hada qala fa in qabila mink. S'il accepte de toi, alhamdulillah. وَإِلَّا فَدَعْهُ. Ça c'est un éclaircissement du hadith. Si il accepte, falhamdulillah. S'il n'accepte pas, فَدَعْهُ. Il n'accepte pas, laisse-le. فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمْ مِنَ. فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمْ مِنَ. أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ. Même au qadr, il est injuste. Il a totalement tort. Tu as fait ce que tu avais à faire. Si tu peux le conseiller, s'il n'accepte pas ou tu ne peux pas le conseiller, فَدَعْهُ. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le guide. C'est un bien pour tout le monde. Donc, l'athar, on a dit, akhrajahu l'imam Ahmed fil musnad. Wa minhu athar Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, annahu qila lah, ala tadkhul ala Uthman, litukallimahu. Ils ont dit à Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, pourquoi tu ne rentres pas chez Uthman pour le conseiller? Faqala, atarawna anni la ukallimahu illa usmi'ukum. Il leur a dit, est-ce que vous pensez que je ne lui parle pas que si vous êtes là? Et il leur a montré, Obama, il lui a parlé, et personne n'était là. قَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِي مَا بَيْنِ وَبَيْنَهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحْ أَمْرًا لَا أُحِبْ أَنْ أَكُونَ أَوَّلْ مَنْ فَتَحَ. Ben, il a juré, il a parlé avec Uthman, et il ne fera pas partie de ceux qui parlent en public, qui conseillent le gouverneur en public. لِمَاذَا لِأَنَا c'est une porte de fitna que Usama ibn Zayd, le sahabi al-jalil, radiyallahu anhu, il n'a pas voulu ouvrir. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont jamais ouvert cette porte. Limadha li'annahum suivaient la voie du prophète alayhi salatu wa salam. Ils savaient comment se comporter avec leur gouverneur. قال أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم. قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على مختصر صحيح مسلم: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. فلا شك أن لفد كونسي دو سيتي les péchés du gouvernement public, ça peut ouvrir une porte de mal. فهذا فصل جميل, un point très très important. On peut ajouter, pour conclure, كلام الإمام شيخ الإسلام à cette époque, العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. Ils lui ont posé la question: هل من منهج السلف نقد الولاء من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاء؟ Donc ils lui ont posé la question: est-ce que ça fait partie de la voie des salafs de critiquer les gouverneurs, de les dénoncer sur les manabir, le jour du vendredi durant la khutbah, à notre époque sur les réseaux sociaux, al-muhim, en public, est-ce que ça fait partie de la voie des salafs? قال ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاء والذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. Exactement ce qu'on vient de lire. Ça ne fait pas partie de la voie des salafs de citer leurs péchés en public. Pourquoi ? Ça va pousser à l'affaiblissement de ces gouverneurs. Les gens ils ne vont plus les respecter. Ils vont sortir dans la rue. Ils vont commencer à manifester, à se rebeller, à se révolter. Et ça va ouvrir une porte de fitna. قال ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. C'est ça la solution. C'est de contacter ce gouverneur pour celui qui en a la possibilité, contacter les savants qui ont accès et le conseiller dans telle chose. قال وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا. وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها. Ça c'est un point important. قد يقول قائل: mais dans ces pays musulmans, il y a de l'alcool, il y a riba, il y a de la drogue, il y a la zina qui est propagée. هذا لا شك فيه. Dans beaucoup de pays de musulmans, l'un s'est propagé. Personne ne dit qu'il ne faut pas mettre en garde contre les péchés. فالشيخ بن باز قال: on met en garde. On dit مثلا l'alcool c'est haram. Comme nous dans ce cours là, والله الحمد لله dans un pays musulman et on met en garde contre shirk, contre l'alcool, contre alhamdulillah. Lakin ça fait pas partie de la voie des salafs de citer le gouverneur. Abadan. On met en garde contre le haram. Alhamdulillah, celui qui peut conseiller le gouverneur en privé بينه وبينه فالحمد لله. قال ولما وقعت الفتنه في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تكلم عثمان؟ C'est le أثر qu'on vient de lire. فقال رضي الله عنه إنكم ترون أني لا أكلمه إلا لأسمعكم إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. ولما فتحوا أي الخوارج الشر في زمن عثمان. On voit la différence entre le comportement des compagnons رضي الله عنه et الخوارج. الخوارج ils ont critiqué عثمان en public. Et Uthman, radiyallahu anhu, c'était le meilleur des compagnons à cette époque. C'était Amir al-Mu'minin. Et Ha'oula, ils ont été injustes envers lui. Mais les sahabes, radiyallahu anhum, entre eux, ils se conseillaient et ils s'aimaient. Lakin, Ha'oula al-Khubatha, quand ils sont sortis, ils sont arrivés fil Madina, قال أنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. Depuis cette époque, ce khourouj qu'ils ont fait contre Uthman, ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et nous-mêmes, il y a quelques années, on a tous vu, on a tous vécu le printemps arabe qui s'est passé, ce qu'ils appellent le printemps arabe dans les pays musulmans. Depuis cette époque, ça ne s'est jamais arrêté. Cette porte que Oussama, radiyallahu anhu, il n'a pas voulu ouvrir. Et que Ahlul Ahwa, ils ont ouvert. قال وقتل عثمان بأسباب ذلك وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني. C'était quoi la cause? Beaucoup de compagnons par la suite ils sont morts. C'est هذا الإنكار que les Khawarij ils ont fait en public. الإنكار العلني. Ils ont voulu résoudre les choses, certaines choses qui prétendaient hum, et ils n'ont pas suivi la voie des Sahaba, ils ne sont pas revenus aux compagnons, ils ont ouvert cette porte de fitna. Enfin, fais attention, Akhil Karim, de ne pas être la cause d'ouvrir une porte de fitna, encore plus contre les gouverneurs. Qala, wa dhikr al-uyub alanan hatta abghad an-nas wa li amrihim wa qataluhu nas'alullah al-afiya. Non, ils ont menti sur Uthman, ils ont cité certaines choses, des mensonges, etc. Hatta ba'd as-sufaha ils l'ont assassiné. À notre époque, c'est la même chose. On n'a pas le droit de citer les péchés, les erreurs du gouvernement public. Même si c'est vrai, même s'il a des manquements, des faiblesses, même s'il commet des injustices, ce n'est pas la solution. Hada kalam, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi. Cheikh Ibn Uthaymeen, kadhalik, il a un kalam jamil fi hada, et il a répondu à al-ba'd qui ont prétendu dans certains athar, ba'd al-salaf, ils ont réprimandé certains gouverneurs en public. Faqala Cheikh Ibn Uthaymeen wa rahimahullah fa aqul amma al-munkarat al-sha'i'a fa ankirha lakin kalamuna ala inkar ala al-hakim mithl an yaqum al-insan matalan fi al-masjid wa yaqul ad-dawla zalamat ad-dawla fa'alat amma les péchés, on est tous d'accord, il faut mettre en garde contre les péchés, l'alcool, le riba, al-shirk qabla dhalik, tout ça on doit mettre en garde. Lakin Cheikh Ibn Uthaymeen il a dit kalamuna ala inkar ala al-hakim, le gouverneur. Mathalan, Wahed, il se lève au Majid et il dit, Ad-Dawla, le gouvernement, il est injuste, les autorités, ils font. Qala, fayatakallam fi nafs al-hukam. Et parler directement contre le gouverneur. Qala, wa hunak farqun bayna an yakun al-amir ou al-hakim aladi turid, an tatakallam alayhi bayna yadayk, wa bayna an yakun ghaiban. C'est pour ça que le Bard, ils prennent comme dalil la qissa de Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Lama ankara ala Abdel Malik ibn Marwan en public. Pardon, ils disent donc que c'est permis. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a bayyin huna, il y a une différence si le gouverneur il est présent. Abu Sa'id, quand il a parlé, le gouverneur il était en face de lui. Et il a parlé au gouverneur. On répète, wa hunak farqun bayna an yakun al-amir wal-hakim alladhi turid an tatakallam alayhi bayna yadayk wa bayna an yakun ghaiban li'anna jami' al-inkarat al-warida 'an as-salaf inkarat hasila bayna yaday al-amir wal-hakim. Enfin, même certains récits où les salafs, ils ont fait Adal Inkar, le gouverneur, il était présent. Enfin, ils ont parlé au gouverneur. Comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, le farq huna, annahu idha kana hadiran amkanahu an yudafi' an nafsihi. Lana si le gouverneur, il est présent, il pourra se défendre. Il pourra dire, là, c'est un mensonge. Là, hada, c'est un ajout. Oh, il pourra se repentir. Amma, il n'est pas là. Fa ayna al-fa'ida? قال رحمه الله ويبين وجهة نظره وقد يكون مصيبا ونحن مخطئون. نعم peut-être que c'est lui qui a raison. Un musulman, c'est un gouverneur, il a une certaine place, donc il a des choses à dire. فربما c'est nous qui avons mal compris. قال لكن إذا كان غائبا وبدأنا نحن نفصل الثوب عليه على ما نريد هذا هو الذي فيه الخطورة. C'est là la gravité. Dans les réseaux sociaux, hein, ils sont tout seuls, bel بعضهم يvivent chez les ennemis de l'islam. Et tu les trouves, ils critiquent le gouverneur Leylan wa Nahar. Alors là, ils sont pas sur la voie des salafs, abadan. قال والذي ورد عن السلف كله في مقابلة الأمير والحاكم ومعلوم أن الإنسان لو وقف يتكلم في شخص من الناس وليس من ولاة الأمور وذكره في غيبته فسوف يقال هذه غيبة etc. Le kalam de Cheikh Ibn Uthaymeen في لقاءات الباب المفتوح. وعلى كل حال خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. On a des hadiths clairs fi hada et on a kalam ahl al-ilm fa ihdharu min ash-shubuhat fi hada al-bab. Cette mas'ala walillah alhamd elle est connue 'inda as-salaf et on fait attention de ne pas sortir min hadhihi al-usul pour certains aqwal qui peuvent ouvrir des portes de mal. Mathalan ba'dhum ils ont ouvert une porte fa rubbama yatakallamun fi hakim, un gouverneur, ils disent mais c'est pas le gouverneur de mon pays. On a déjà lu Kalam Cheikh Fawzan fi hada annahu su'ila ila dinah yajuz. Ça reste un gouverneur musulman. Sinon on parle, c'est pas notre gouverneur. Maintenant nahnu on est dans ce pays, on parle un gouverneur d'un autre pays. On dit là c'est pas notre gouverneur. Les autres ils vont faire la même chose avec notre gouverneur et avec les réseaux sociaux, un bard al-awam il tombe sur ses paroles et ça ouvre une énorme porte de fitna. Vous avez déjà entendu un tome alim min al-ulama, il rentre dans ces choses. Ils étaient et ils sont occupés par l'ilm et ils veulent le bien pour le gouverneur et les autres. On s'écarte des choubas, on s'écarte de certains aqwal qui ne sont pas fondés sur la voie des salaf. Et nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq والسداد. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.